Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Sais-tu exactement de quoi je parle ? Et dans un monde où la haine a pris le dessus sur l'amour, la liberté, on est perdu, rien ne va plus, je me sens exclu de par mes pensées illogiques. Mais quoi, rien n'est sarcastique dans mes dires, perdu entre l'envie de fuir et celle de tout faire péter. Leur système, cette matrice grillée, je veux croire à ce qui nous fait peur. Je veux voir ce que peut me dire mon cœur. Tombé dans le terrier du lapin blanc, y a-t-il encore le temps, y a-t-il encore l'espoir? Je m'entends me dire oui et tu es à la recherche de ta vie, à celle de ton destin. Je m'entends me dire non, je fais mon propre dessin. Même si ça paraît bien long, tu ne trouveras rien ici. Je recherche ici, on ne cherche pas une utopie, on se la construit. Regardez-vous dans un miroir.